Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'extravagante affaire des Irlandais de Vincennes. Été 1982, 28 août, 21h30. Les super-gendarmes du GIGN, sur ordre direct de l'Élysée, interpellent dans un appartement de Vincennes trois personnes de nationalité irlandaise, soupçonnées d'avoir commis des actes terroristes ou de vouloir en commettre. Trois individus mis en détention et marqués au fer rouge, sans la moindre enquête. Cette victoire d'un jour pour François Mitterrand dans la lutte contre le terrorisme se transformera quelques mois plus tard en un fardeau, une bévue majeure. Car en définitive, toute la procédure d'arrestation et d'accusation sera considérée plus tard par la justice comme nulle et non avenue. Les Irlandais seront libérés et les gendarmes accusés. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot et Adrien Carat, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, coordination Christophe Barrère, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Chélius, à la technique Anthony Thomasson, Clément Vullier. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Toute organisation se réclamant d'une idéologie politique qui instaurera la violence en système sera poursuivie et dissoute. Et ses membres seront pourchassés, arrêtés, condamnés. Le sang-froid avec lequel les terroristes ont opéré fait maintenant pencher les enquêteurs vers la thèse d'un commando supérieurement organisé. Pour ce qui touche au terrorisme international, je l'ai dit tout à l'heure, nous le traquerons, nous l'atteindrons à la racine. Viendra le jour où lui-même succombera. Sous nos coups. L'Elysée annonce deux arrestations dans les milieux du terrorisme international. Des terroristes qui ont été neutralisés par le GIGN dans une opération éclair. Et ses membres seront pourchassés, arrêtés, condamnés. Voici des personnes qui sont détenues maintenant depuis plus de 5 mois, dans des conditions qui sont celles qui sont révélées dans la presse, donc éminemment suspectes. J'ai dit au juge, et c'est enregistré, je crois, que la police a fabriqué des preuves. En cet été 1982, la France fait enfin confiance, et encore confiance, à François Mitterrand, président de la République depuis un an. Ce combattant hors pair de la politique française a réussi ce qui paraissait un exploit à cette époque et qui restera l'œuvre de sa vie. L'alternance, la gauche au pouvoir, pour en finir avec cette classe dirigeante de droite qui depuis 23 ans est aux affaires, dans les deux sens du terme, les affaires de la France et les affaires dites « scandales », dont les derniers épisodes, sous le règne du président sortant Valéry Giscard d'Estaing, s'appellent « Avion renifleur » ou « Diamant de Bocassa ». À cette époque, la gauche, c'est la morale. Elle se présente comme telle, contre le pouvoir de l'argent qui pourrit tout jusque dans le cœur des hommes, comme le disait joliment François Mitterrand. Plus de liberté, plus de dialogue et plus de transparence, annonce fièrement le nouveau président. Mais en ce début d'été 1982, la France est secouée par une vague d'attentats terroristes. François Mitterrand, habillé du costume du président monarque, va comme un gant, genre l'État c'est moi, va autoriser l'usage de la force et du secret d'État pour éradiquer, je reprends ces mots là encore, toute forme de menace terroriste. Pour cela, il lance sur le devant de la scène ses mousquetaires, des super gendarmes, les membres de l'unité d'élite du GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Des hommes surentraînés qui se sont illustrés avec brio par le passé pour dénouer des situations difficiles, notamment des prises d'otages. Alors, fidèles à leur réputation, les gendarmes du GIGN agissent vite et fort. Ils arrêtent trois hommes présentés comme de dangereux terroristes, ceux qu'on appellera plus tard les Irlandais de Vincennes. À ceci près qu'ils n'étaient pas plus terroristes que vous et moi, en tout cas dans cette affaire. Ce jour-là, preuve est faite que le pouvoir et l'abus de pouvoir pourrissent tout, jusque dans le cœur des hommes. Notre histoire commence à Paris, pendant la fin d'été 1982. Si le climat est estival sur la capitale en cette fin d'été, l'ambiance n'est pas à la fête. Paris, sa proche banlieue, sont la cible depuis quelques semaines de nombreux attentats non revendiqués. Le peuple Saint-Germain, les locaux de Minute ou encore des bâtiments de la diplomatie israélienne. À ce moment-là, les mêmes noms reviennent en boucle. Action directe à Bounida, les activistes arméniens qui n'en finissent pas de courir après la repentance des Turcs pour les génocides de 1915. Au siège de la DST, direction de la sûreté du territoire, le contre-espionnage si vous préférez, les enquêteurs piétinent face à des méthodes et des cibles qui ne montrent pas de lien cohérent. Le paroxysme est atteint le 9 août quand un commando armé fait irruption dans le restaurant Goldenberg de la rue des Rosiers à Paris et tire sur les clients, puis ressort en tirant au hasard sur la foule. Le bilan est dramatique, 7 morts et 22 blessés, l'opinion publique est meurtrie. Ce que j'ai vu, le voilà exactement. Les gars descendent de la voiture, ils ont tiré sur tout ce qui était dans la rue. Ils ne sont pas venus pour tuer spécialement quelqu'un, ils sont venus pour tuer des juifs. C'est tout ce que je peux dire. Ils ont tiré sur tout le monde, mais dans leur compte, ils ont quand même tué deux arabes. Ça, vous devez le savoir. Le gars qui tirait, il avait un costume gris, que j'ai bien vu, avec une mitraillette sous sa veste. Il tirait sur tout le monde. Ils sont passés devant mon magasin. J'ai fait toucher tous les clients. Grâce à ça, il n'y avait aucun blessé. Il a regardé la vitrine, il ne voyait personne. Ils sont partis. Et qui étaient ces deux hommes? Ça combien? Deux. Un, il y avait une voiture qui roulait à 10 km à l'heure. Mais entre deux, il y avait une troisième, quatrième, je ne sais pas s'il y avait. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Le sang-froid avec lequel les terroristes ont opéré et qui a été constaté par tous les témoins fait maintenant pencher les enquêteurs vers la thèse d'un commando supérieurement organisé. Un commando qui voulait tuer et tuer le plus de gens possible. Quant à la foule encore sous le choc, prenant peu à peu conscience de l'effroyable tuerie, c'est la tension, l'indignation, la colère et la haine qui s'emparaient d'elle. Dans les jours qui suivent la fusillade, la réunion auxquelles assiste François Mitterrand à l'Élysée ne débouche sur rien. Ni la DST, ni les RG, renseignements généraux, ni même les services du ministère de l'Intérieur ne semblent être en mesure d'avoir des réponses sur ce qui s'est passé. Le président de la République est furieux car il ne veut pas perdre la face. Non. Ce qu'il veut, c'est mettre les coupables en prison pour ainsi envoyer un message fort aux Français. La gauche, c'est aussi la sécurité. Pour la morale, on verra plus tard. Face à l'émotion, le 18 août, lors d'une allocution télévisée, le président de la République annonce à chaud la création d'une mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme. Et la création d'une cellule spéciale de lutte antiterroriste basée à l'Élysée qui lui est directement rattachée, histoire de rappeler, peut-être, que sous la Ve République, les leviers du pouvoir, ils sont à l'Élysée et pas ailleurs. Et je dis tout de suite que toute organisation se réclamant d'une idéologie politique qui instaurera la violence en système sera poursuivie et dissoute, interdite. Et ses membres seront pourchassés, arrêtés, condamnés. La justice française fera son devoir, surtout dès lors que l'on se réclame publiquement du recours à la violence. Pour ce qui touche au terrorisme international, je l'ai dit tout à l'heure, nous le traquerons, nous l'atteindrons à la racine. Nous savons qu'il peut encore nous atteindre, et viendra le jour où lui-même succombera sous nos coups. Dont acte, la cellule antiterroriste de l'Élysée est officiellement créée le 24 août. À sa tête, Christian Proutot, le commandant du GIGN, l'homme de la libération des otages de Djibouti en 76 et du mutin de la Mecque en 79. Autant dire qu'il bénéficie d'une aura, d'une confiance et d'une certaine écoute dans le bureau de François Mitterrand. Lui et ses hommes ont donc carte blanche et ils s'installent aux deux rues de l'Élysée, une annexe du palais présidentiel. Ils ne vont pas chômer. Toute organisation qui instaurera la violence en système sera poursuivie et dissoute. Quatre jours plus tard, le 28 août, l'officier en second de la cellule antiterroriste de l'Élysée, le capitaine Paul Baril, en est sûr, il est sur un gros coup. À son chef, le commandant Proutot, il explique avoir trouvé la cache des terroristes qui ont fait le coup de la rue des Rosiers. Sirène hurlante, il traverse Paris pour se rendre avec une quinzaine de gendarmes au 82 rue Diderot à Vincennes. Il est 17h, les gendarmes en civil investissent l'immeuble à la façade de briques rouges. Après quelques foulées dans les escaliers, ils tombent nez à nez sur Steve King, l'une des trois personnes qu'ils sont venus chercher. Celui-ci raconte la scène. J'étais en train de sortir pour aller faire quelques courses pour préparer le dîner. Dans l'escalier, je tombe nez à nez sur un homme qui me braque le canon de son arme sur la tête en me disant qu'il est là pour m'arrêter. On me plaque au sol, on me passe les menottes dans le dos, comme si en jean ou en t-shirt je pouvais dissimuler quoi que ce soit. Ensuite, ce même homme me pousse à m'approcher de la porte de l'appartement. Lui et les autres me semblent tendus, je leur dis que l'appartement est vide. Celui qui semble être leur chef me répond « Je te préviens, si on tombe sur quelqu'un, je te fais sauter la tête ». À ce moment précis, Steve King ne sait pas qui sont ces hommes qui viennent l'arrêter. Des policiers, certes, mais que veulent-ils? Pourquoi l'arrêtent-ils? Serait-ce lié à ce qu'il a fait par le passé? En effet, nous y reviendrons plus tard, Steve King n'est pas un enfant de cœur en Irlande, son pays d'origine. Tout comme Michael Plunkett, qui quelques heures plus tard est arrêté à son tour lorsqu'il revient à l'appartement. La troisième personne, Mary Read, est interpellée chez elle. Après avoir fouillé leur appartement de fond en comble, le GIGN embarque les trois Irlandais qui se retrouvent le soir même en prison. Pour ce qui touche au terrorisme international, nous le traquerons. Il viendra le jour où lui-même succombera sous nos coups. Quelques heures plus tard, en milieu de soirée, l'Élysée claironne. L'information tombe sur les téléscripteurs de l'agence France Presse. AFP urgent, des arrestations jugées importantes ont été opérées aujourd'hui en France dans les milieux du terrorisme international, apprend-on ce soir à la présidence de la République. Ce sont les mots de la dépêche. Oui, oncle Aaron, à l'Élysée, pensez donc, les trois terroristes arrêtés étaient fichés par Scotland Yard. Ils font partie de l'INLA, l'Armée Nationale de Libération Irlandaise, et ils auraient été sur le point de déposer des bombes à Paris. De plus, chez eux, des faux documents et des armes de gros calibre sont saisis, parmi lesquels trois armes de poing, deux détonateurs et 500 grammes de plastique. À Vincennes, on pêche du gros poisson. La presse se fait le relais de cette réussite présidentielle. Et les hommes qui ont été arrêtés hier, ce sont des terroristes de très haut niveau, en liaison avec d'autres groupes terroristes en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas. Des terroristes qui ont été neutralisés par le GIGN dans une opération éclair, parce qu'un renseignement très sûr recueilli auprès du contre-espionnage, la DGSE, a permis d'avoir la certitude que ces deux hommes devaient faire exploser plusieurs bombes de forte puissance, aujourd'hui même dimanche à Paris, des bombes qui devaient être placées dans des lieux publics pour tuer un maximum de gens. L'effet est exactement celui recherché par l'Élysée. Les mousquetaires du président ont donc réussi leur travail, faire face à l'émotion et montrer que l'État punit sévèrement tous ceux qui sèment le mal terroriste. Mission accompli. Oui, sauf que, quelques mois plus tard, l'affaire qu'on va appeler celle des Irlandais de Vincennes va connaître de rocambolesques rebondissements. Des Irlandais de Vincennes, c'est le journal Le Monde qui la soulève dans son édition du 1er février 1983. Nous sommes alors près de 6 mois après les faits. Le journaliste Edwy Plenel, notre invité, il est donc ici présent, titre de façon évocatrice les fausses manœuvres des gendarmes du président avant de recenser toutes les incohérences de ce dossier. En effet, la perquisition qui a lieu à Vincennes au mois d'août, hors de la présence des interpellés, est entachée de nombreuses irrégularités. Des photos d'identité judiciaire ont disparu. Les armes à feu n'ont pas été répertoriées. Aucun relevé d'empreintes n'a été fait. Pire encore, Les gendarmes ayant participé à l'opération donnent des versions contradictoires sur l'emplacement des explosifs retrouvés. Ces nouvelles informations confortent les avocats des trois prévenus irlandais. Les informations qui ont été diffusées par la presse hier et ce matin sont particulièrement complètes et particulièrement exactes. Et je dois dire qu'à la fois la nature de ces informations et la soudaineté de cette publication a surpris les avocats de la défense, mais il est exact que l'ensemble des éléments qui y sont apportés sont conformes à ce que nous connaissons du dossier. Voici des personnes qui sont détenues maintenant depuis plus de 5 mois dans des conditions qui sont celles qui sont révélées dans la presse, donc éminemment suspectes. Bon, nous voulons évidemment qu'elles soient mises en liberté le plus vite possible. L'attitude cavalière avec laquelle le capitaine Baril a court-circuité toute sa hiérarchie en interdisant même aux policiers l'accès au lieu, tout ça ne fait qu'accentuer le doute sur l'intégrité de la procédure. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation, les événements s'étaient précipités. La gendarmerie avait été dessaisie de l'affaire au profit de la police judiciaire. Et le bruit avait alors couru qu'il s'agissait là d'un superbide de super-gendarmes n'ayant arrêté que des sous-terroristes. En mai 1983, quelques semaines après les révélations du journal Le Monde, l'information judiciaire dévoile que la procédure n'a pas été respectée lors de l'arrestation et de la perquisition effectuée chez les Irlandais. Ce même mois, le brigadier Pierre Caudan, qui avait participé à la perquisition, mais qui avait été ensuite exclu de la gendarmerie pour affaire de droit commun, se met à table. Il assure que des irrégularités ont bien été commises et qu'il avait reçu des ordres afin de dissimuler les faits. Toujours est-il que le 21 mai 1983, les trois Irlandais inculpés, Michael Plunkett, Steve King et Mary Reid, sont libérés après plus de 9 mois passés en détention. Face aux caméras, Michael Plunkett dénonce un coup monté. J'ai réalisé qu'il y avait une machination. J'ai dit au juge, et c'est enregistré, je crois, que la police a fabriqué des preuves. J'accepte les responsabilités en ce qui concerne mon pistolet, quelles que soient les raisons que j'avais de posséder ce pistolet à Paris. Quant à la bombe, il aurait été stupide d'avoir ça dans un appartement avec une enfant de 9 ans. Les experts nous ont dit que c'était l'un des explosifs les plus dangereux et les plus volatiles que nous détenions. Les détonateurs ont été fabriqués en France il y a 20 ans et qu'ils ne sont plus produits depuis. Les contradictions, la presse dit que je suis un super terroriste et que, contradiction, j'avais une bombe complètement démodée et qui n'est plus fabriquée depuis 20 ans. Contradiction aussi, on a trouvé un pistolet chargé dans les jouets de la petite fille, un pistolet sous un matelas, un autre dans un placard et une bombe prête à exploser sur l'étagère des toilettes à portée de l'enfant. Aucune personne sensée ne ferait ça. Dans les mois qui suivent, c'est le capitaine du GIGN, Paul Baril, qui va se retrouver dans le collimateur. Car à ce moment, tout le monde se pose la même question. Mais enfin, comment en est-on arrivé à arrêter trois personnes dans une affaire sans preuve, en tout cas sans éléments probants à charge, sans rien finalement, et donc pour rien? Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les Irlandais de Vincennes, notre invité, c'est Edwy Plenel, le journaliste qui avait soulevé l'affaire dans le journal Le Monde. Reprenons notre récit, car deux éléments vont placer le capitaine Paul Baril au centre de toute cette affaire. D'une part, le cas Bernard Jega. Bernard Jega, c'est un modeste intermédiaire dans le trafic d'armes de poing et de faux documents proches des milieux d'extrême-gauche qui va se retrouver involontairement à l'origine de toute opération. Nous sommes quelques jours seulement après l'attentat survenu rue des Rosiers en août 1982. Bernard Jega se pique d'aller trouver Paul Baril, le numéro 2 du GIGN. Je crois avoir reconnu un des hommes qui figure sur les portraits robots que la police a diffusés après l'attentat de la rue des Rosiers. Cette personne pourrait être un homme dont j'étais le compagnon de route, un dénommé Michael Plunkett. Michael, c'est un Irlandais membre de l'INLA, l'Armée Nationale de Libération Irlandaise. Il est réfugié en France, jusque-là je ne faisais que lui fournir de faux papiers en cas de besoin. Avec lui, il y a son ami Steve King et Mary Reid. Ils sont trois. Si je viens vous voir, c'est que je suis inquiet, car il y a quelques jours de cela, il m'a parlé de l'éventualité d'une collaboration avec d'autres mouvements visant des cibles antisionistes en Europe. Nouveau dérapage. Le 24 août, pressé par le capitaine Paul Baril, au nom de la raison d'État, Bernard Géga lui remet un sac contenant 10 armes de poing, des explosifs, divers documents, notamment des photos, autant de pièces qui lui ont été confiées par Michael Plunkett et qui témoignent de sa participation aux réseaux irlandais. Le 31 octobre 1985, le journal Le Monde publie la confession de l'informateur Bernard Géga. Pour moi, il s'agissait de remettre à Paul Baril des preuves clés qui lui permettraient de concrétiser une plus longue enquête, d'identifier les armes et d'étudier les documents. Et quelle ne fut pas ma surprise découvrir dans la presse, dans les mois qui ont suivi l'arrestation, que c'étaient les propres armes que j'avais remises au capitaine Baril qui servaient désormais à les accuser. Pire encore, pour l'Élysée et ses mousquetaires, il y a les révélations du colonel Jean-Michel Beau. Il se trouve accusé de subornation, témoin dans le cadre de l'affaire des Irlandais. Face à une hiérarchie qui le lâche, celui qui était l'un des responsables de l'arrestation mouvementée et tapageuse des trois présumés terroristes balance sur Christian Proutot, Paul Baril et les super-gendarmes au micro des journalistes d'Antenne 2, c'est en janvier 1986. J'ai indiqué qu'effectivement, la solidarité gendarmique avait fait que ces petites irrégularités, j'estimais qu'on pouvait passer dessus, ça. Vous les avez couverts, c'est réussi. Bon, mais par la suite, l'important, oui. Si vous voulez, c'est que moi, on m'inculpe un an et demi plus tard de subornation de témoins, c'est-à-dire qu'on me reproche d'avoir obtenu de mes sous-officiers qu'ils ne disent pas au juge d'instruction la réalité des irrégularités du GIGN. Et au moment où, entendu pour la première fois sur le fond, je dis, mais monsieur le juge, je n'étais pas en situation normale, puisque moi-même on m'avait imposé au plus haut niveau de l'État de me taire sur ces irrégularités parce qu'il fallait que l'affaire tienne. Qui, commandant Proutot ? Qui ? Le commandant Proutot, monsieur Ménage, monsieur de Grosouvre, enfin tout ça est très clairement indiqué, ces gens-là étaient officiellement mis en cause dès février 84 chez le juge d'instruction. Vous dites que le commandant Proutot... Que M. de Grossouvre, M. Ménage... Mais c'est pas nouveau tout ça, je veux dire, vous avez déjà vu ça. Vous en demandez de vous taire. Bien sûr, et de faire taire mes subordonnés. Géga, qui était un ami des terroristes irlandais, et qui les croyant impliqués gravement dans l'affaire de la rue des Rosiers, avait décidé, on dit ça en termes de police, de les balancer, entre guillemets, ce qu'il a fait par l'intermédiaire de journalistes qui ont contacté Baril, et il a remis à Baril un matériel, des photos, des documents, etc., qu'il avait en garde des Irlandais, et Baril est allé déposer tout ça à nouveau chez les Irlandais, c'est-à-dire c'est une véritable caricature, on trouve effectivement chez les Irlandais un matériel déposé frauduleusement, mais qui en fait appartient aux Irlandais, et qui sont en réalité de véritables terroristes. Je ne peux pas continuer à rester comme ça, maintenant que je m'aperçois que, ce faisant, pour des irrégularités de détail, j'ai couvert un véritable montage. Moi, je suis un officier propre, honnête, je n'ai jamais fait ça de ma vie, pas même le jour du 28 août 1982 à Vincennes. Précision, Gilles Ménage et François de Grossouvre, que Jean-Michel Beau vient de citer, étaient deux des hommes du président des proches conseillers de l'Élysée à l'époque des faits. En septembre 1987, le parquet de Paris engage enfin des poursuites pour subornation de témoins visant notamment le chef de la cellule de l'Élysée, Christian Proutot, soupçonné d'avoir incité les gendarmes à cacher la vérité. Condamné en première instance, il est finalement relaxé en appel, alors que le lieutenant-colonel Jean-Michel Beau, le dénonciateur du montage, lui sera condamné à un an de prison avec sursis et 6000 euros d'amende pour complicité de subornation de témoins. En août 1992, et là nous sommes 10 ans après les faits, c'est Paul Baril qui se retrouve sur le grill. Il se trouve que quelques jours seulement avant que la prescription n'entraîne le classement définitif du dossier, deux des Irlandais déposent plainte contre X pour atteinte à la liberté. 10 ans plus tard, en 2002, Paul Baril s'en tire grâce à une stupéfiante pirouette. Le juge d'instruction était incompétent. La plainte en 1992 est recevable. Donc, le fringant capitaine du GIGN n'est pas inquiété. Décision de la cour d'appel de Versailles. Fin de l'affaire. Ni le capitaine Paul Baril, pourtant reconnu comme l'architecte du montage, ni le chef de la cellule élyséenne, Christian Proutot, qui avait donné son aval avec la bienveillance du président, ne seront finalement inquiétés. Fermez le banc. Dans cette affaire et de cette affaire, il ne reste donc que le souvenir. Le souvenir d'un épisode qui le premier aura montré que la morale est décidément soluble dans l'exercice du pouvoir, fût-il de gauche. Car, ne l'oublions pas, dans cette affaire, 3 personnes ont croupi 9 mois en prison pour rien. D'ailleurs, dans son livre « Verbatim », Jacques Attali raconte qu'à la question qu'il lui avait posée sur la principale qualité que doit posséder un homme d'État, François Mitterrand avait répondu « Je voudrais dire que c'est le goût de la vérité, mais non, c'est l'indifférence. L'indifférence. Et si elle aussi pourrissait tout, jusque dans le cœur des hommes. » c'est pas la vie dont je rêve, mais au bord de la route, tu vois personne si tu crèves. Oreilles collées au sol, j'entends passer les pneus des bagnoles. Je changerai pas des deux mains, mon fusil d'épaule. Jusqu'au bout, je croirai en rien. Je suis pas fait pour suivre les hommes et leurs chiens. Je suis juste le pire du pire des mécréants qui veut la vérité sur le comment, pourquoi du vivant. J'ai pas de cadavre planqué dans les armoires. J'ai pas de sec, pas de dollars et je veux aucun pouvoir. Ni Dieu, ni maître, ni centimètre. Ni Dieu, ni maître, ni me soumettre. Je suis qu'un pauvre type d'un millimètre qui bataille comme il peut juste pour être. Putain, c'est pas vrai tout ça, c'est des mensonges. La foi est enfouie dans le faux et le mensonge. Putain, c'est pas vrai tout ça, c'est des mensonges. Les yeux au ciel, même une fois, jamais t'y songe. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les mêmes croyances, les mêmes misères. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les mêmes abrutis partout sur la terre. Superstition, secte ou religion. Dans le même carton pour nourrir tous les moutons. Je me raconte pas d'histoire pour dormir le soir. Je suis pas le connard qu'on pourrait croire. Aucune épidémie ne fera plus de victimes. L'homme est perdu dans la foi, aveuglé le crime. Tu monteras pas au ciel tout fier comme t'espères. Mais comme toutes les merdes, finissent en poussière. Les gamins admiraient les hommes et leurs flingues. Voulaient toucher du doigt la justice du dingue. Pas des grands hommes et des tout petits sans couilles. Des mecs pleins de gueule et tout plein de trouilles. Désolé pour toi, mais ton arrière-arrière-grand-papa était maqué avec une guenon, tu savais pas. Adam et Ève, si t'y crois, t'es trop con. Ça te dit rien, Darwin et l'évolution. Putain, c'est pas vrai tout ça, c'est des mensonges. La foi est enfouie dans le faux et le mensonge. Putain, c'est pas vrai tout ça, c'est des mensonges. Les yeux au ciel, même une fois, jamais t'y songe. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les mêmes croyances, les mêmes misères. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les mêmes abrutis partout sur la terre. Endormis et endoctrinés. Sur cette putain de route, jamais je m'allonge. Sur cette putain de route. Sur cette putain de route. Notre invité aujourd'hui, c'est donc le journaliste Edoui Plenel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors vous êtes, je le rappelle, à la tête du site d'information en ligne Mediapart. J'aurais pu vous inviter pour une émission sur le Rainbow Warrior, sur le dossier Bettencourt, sur Cahuzac, puisque c'est vous qui avez soulevé ces lièvres, si je puis dire. Alors, puisque vous êtes aussi pour la presse à l'origine des révélations sur les Irlandais de Vincennes, quel souvenir vous laisse cette affaire et la couverture de cette affaire 30 ans plus tard, 32 ans plus tard, sans être précis. Pour moi, c'est ma première affaire sensible. Quand elle démarre, je viens d'avoir exactement 30 ans, au 31 août 82. Et en fait, les souvenirs se résument à deux mots, patience et indépendance. Une enquête, c'est savoir faire un puzzle. C'est pas un cadeau qui vous tombe du ciel. Votre chronologie, votre narration tout à l'heure le rappelait, cette affaire s'étale sur 3 ans avec beaucoup de patience entre les faits eux-mêmes, c'est-à-dire l'été 82 et mes premières révélations il y a 6 mois. Ensuite, il y a encore 3 mois avant que la justice les libère et donne raison à nos révélations. Ensuite, il y a 3 ans jusqu'à mettre la main sur Géga. Et l'autre aspect, c'est indépendance. Indépendance, c'est-à-dire que dans toute cette affaire, avec un autre journaliste qui travaillait au Canard Enchaîné à l'époque, Georges Marion, nous nous sommes heurtés à ce que j'ai coutume d'appeler depuis le journalisme de gouvernement. C'est-à-dire le journalisme qui prend au pied de la lettre, comme une vérité de fait, que ce n'est pas, les déclarations des pouvoirs. Ce que disent les pouvoirs, leur relais, que ce soit des pouvoirs politiques, des pouvoirs policiers, des pouvoirs économiques. On l'a bien entendu là d'ailleurs, à plusieurs reprises. Mais il y a plus que ce qu'on a entendu. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure, Bernard Géga, involontairement, l'histoire est plus compliquée. Bernard Géga se met lui-même, il n'est plus de ce monde, et se met lui-même dans ce mauvais pas, parce qu'il a, Il a une envie depuis la victoire de la gauche, il est un peu borderline, pourrait-on dire, et il va déjà frapper à la porte de l'Élysée après 81, je le révélerai plusieurs années après, pour proposer ses services. Il s'imagine une vie d'aventurier. Alors d'abord, c'était pour la cause républicaine irlandaise, parce que quand on dit des terroristes, faut rappeler que depuis, hein, les républicains irlandais, tout ça s'est fait, la paix, c'était une vieille guerre coloniale qui durait depuis 2 siècles. Et donc, il était du côté des Irlandais, puis là, il se met à se dire, je vais être au service de ce pouvoir. Il va voir Régis Debray à l'Élysée, qui les conduit poliment. Un an après, donc nous sommes en 82, quand il croit reconnaître son camarade Plunkett sur les portraits robots, les policiers savent bien combien les portraits robots, c'est ce qu'on fait quand on n'a rien d'autre, hein, des terroristes de la rue des Rosiers, de cet attentat effroyable que j'ai couvert parce que j'étais de permanence, j'ai été sur place très vite, très tôt. Quand il croit reconnaître Plunkett, qu'est-ce qu'il fait? Il n'appelle pas Monsieur Baril, non, non. Et c'est là où c'est terrible. Il appelle des journalistes, en l'occurrence des confrères du Nouvel Observateur. Et le Nouvel Observateur, car il n'y aurait pas eu d'affaire des Irlandais si le Nouvel Observateur avait fait son travail. Écouter Monsieur Jega, voir si ce qu'il disait tenait la route, et puis faire notre enquête, c'est notre travail. Non, qu'est-ce que fait le Nouvel Observateur? C'est ce que j'appelle le journaliste de gouvernement, il peut être de gauche ou de droite. Eh ben, il appelle l'Élysée. Il dit, on a une info pour vous. Et c'est le Nouvel Observateur qui refile Monsieur Jega à l'Élysée, à M. Proutot, lequel M. Proutot le refile à M. Baril. Et Baril, qui a toujours été joué avec les limites de la loi, sous couvert de la loi, il a toujours joué avec les limites de la loi, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du chiffre. Un peu comme quand luttait le trafic de drogue, on se dit, ah ben ceux-là, ils font du trafic de drogue, on les chope, et ben, qu'est-ce qu'on met? On n'a pas de preuves, ben, on met quelques sachets de drogue dans leur poche. Ben, c'est ce qu'ils ont fait à Vincennes. Ils ont mis des preuves. Alors, au début, je n'ai pas compris tout ça, moi. Au début, j'ai d'abord des éléments de contexte. Et c'est important pour ceux qui mythifient l'enquête journalistique. Bon, c'est des attentats, cet été 82, et la société à l'époque pouvait tenir. Je ne suis pas sûr qu'elle tiendrait de la même manière aujourd'hui. C'est des attentats qui sont l'aube portée dans sa complexité de la crise du Proche-Orient qui n'est pas terminée, qui arrive ici, en France. Et là, on nous fait débarquer des Irlandais qui auraient commis un attentat antisémite terrible, aveugle, rue des Rosiers. Donc, du coup, faut faire du contexte. C'est quoi l'INLA? C'est quoi ces Irlandais? S'ils étaient en France, est-ce que des gens les connaissent? Et c'est là où je comprends des éléments sur les trois qui sont en prison par des gens qui les connaissent. Et des policiers, à l'époque, me disent « oui, ça colle pas très bien ». Et vous non plus, vous estimez que ça colle pas? Ça, déjà, l'élément contextuel colle pas. Voilà, c'est cet élément de contexte qui me met... Je dis, c'est par accord. Ouais, c'est par accord. Ou bien, il faut penser toujours que parfois l'impensable arrive, ce sont des Irlandais qui ont vraiment basculé dans autre chose. Les Irlandais, en clair, ils utilisaient la France comme une base arrière, où ils ne commettaient pas d'attentats, dans le cas où les SAS, c'est-à-dire les services spéciaux britanniques, les poursuivaient. Ouais. Dans le cadre de cette guerre effroyable, hein, qui est finie, heureusement, hein, qui est entre l'Irlande et entre le nationalisme irlandais et la puissance coloniale britannique. Et donc, pour revenir à cette histoire, le deuxième élément, c'est une source, un magistrat, qui me dit qu'un magistrat lui a confié des choses sur les incohérences judiciaires du dossier, ce que je vais raconter dans mon premier article. Et puis, il y a un troisième élément qui va prendre de l'ampleur de plus en plus, et je l'ai raconté dans un livre, La part d'ombre, qui est un hasard, lors d'un pot au ministère de l'Intérieur pour les vœux du président, un membre de cabinet un peu bavard, qui à un moment dit, ayant un peu bu, dit « Oh, moi, l'explosif, je sais qui l'a mis à Vincennes ». Alors surtout, ne pas réagir, oui. Ne pas se précipiter. Mais j'entends donc quelqu'un qui est au courant qui dit qu'on a mis l'explosif. Et c'est ça ce fil qu'on va remonter jusqu'en 85 pour tomber sur Jega, qui en fait est au courant de tout le montage de Baril. Alors pourquoi 3 ans pour découvrir Jega? Et le découvrir grâce au lieutenant-colonel Beau, le commandant puis lieutenant-colonel Beau, qui a été un peu le bouc émissaire de tout ça. C'était l'OPJ, on lui a dit, raison d'État, faut couvrir tout ça, officier de police judiciaire, habillez-moi tout ça pour que ça tienne devant le juge. Bon, il est jugulaire, il y va, il claque des talons et il le fait. Puis après, il est gros Jean comme devant, c'est lui qu'on brandit et qu'on sanctionne, comme si c'était lui qui aurait fait des erreurs de procédure alors qu'il y avait un truc légitime. C'est comme ça s'appelle un fusible. C'est, oui, bouc émissaire. Bouc-émissaire, parce que le type, ouais. Ce sera une vraie dépression. J'ai accompagné Jean-Michel Beau, son monde s'est effondré. C'était pas du tout un homme, comment dire, prêt à vivre tout ça. Lui, il ne jouait pas avec la loi, il était un peu rigide. Et donc, tout ça lui tombe dessus, son histoire lui tombe dessus. Alors donc, vous déroulez le fil jusqu'à effectivement montrer que tout ça est un montage. Mais quelles sont les raisons politiques de ce montage-là? Qu'est-ce que veut le pouvoir? Je pense qu'il y a, au départ, il y a cette histoire de cette cellule antiterroriste qui est créée sous le choc des attentats par François Mitterrand dans un abus de pouvoir et qui n'est pas liée à la gauche, là, qui est liée vraiment à notre système présidentiel. C'est-à-dire que les présidents, ils peuvent jouer à la guerre sans faire voter les parlements, c'est le cas encore aujourd'hui. Ils peuvent abuser de leur pouvoir presque institutionnellement. Et François Mitterrand, dans une paranoïa qu'on comprendra depuis le cancer, sa double vie privée, va construire son bouclier. Et son bouclier, ce seront ses gendarmes. Sous prétexte de terrorisme, je l'ai raconté depuis, il fait un cabinet noir. Oui, mais c'est une sorte de garde prétorienne. Enfin, ça fait pas très démocratie, oui, c'est pas ça, démocrate. Hein. Ce sont des gens qui vont faire des écoutes illégales, qui vont se renseigner sur la présidence et qui vont se prendre un peu comme, la garde rapprochée du président, son service secret personnel. Ce sont des gens qui vont finir généraux, préfets, et qui, je vous le rappelle, seront condamnés dans l'autre procès qui aura lieu, le procès de l'affaire des écoutes téléphoniques. Oui. Alors, sur les Irlandais, c'est intéressant aussi judiciairement. C'est une faillite judiciaire totale. Mais il y a une décision de justice, quand même. Il y a une décision de justice, et qui est à l'honneur de notre profession et du rôle démocratique de la presse. Car, si nous pouvons l'aborder ici, comme des vérités de fait, et sans être poursuivis par personne, c'est qu'il y a une décision de justice qui dit que tout ce que nous racontons est vrai. Oui. Et c'est une décision de presse. Le capitaine Baril a un moment trop présomptueux. Je veux boucler cette affaire et je fais un ultime article en 91 avant que commencent les procès. 92. Oui, le procès a lieu en 91, puis après les décisions ont lieu en 92. Donc je fais un dernier article. Et là, Baril, avec son avocat Jacques Vergès, me poursuit. Et c'est exceptionnel, c'est que nous allons faire l'instruction à l'audience. Et en première instance, en appel, puis devant la Cour de cassation, nous allons obtenir quelque chose qui est très rare, c'est d'être relaxé au nom de la vérité de fait. Pas seulement la bonne foi, le sérieux de notre enquête. La vérité de fait, que ce sont des faits vrais. Et la justice va réparer sa faute en considérant que ces faits sont vrais. Dans cette histoire aussi, pour moi, c'est ça la vraie leçon. C'est l'hubris présidentielle. C'est ce qui m'inquiète, si vous voulez, encore aujourd'hui. Tous ces gens, on peut voir la personnalité des uns et des autres. J'ai dit que Jega était un peu borderline, Baril est une sorte d'aventurier, Proutot est un ambitieux, d'autres voyaient un peu le service de l'État, quitte à commettre des injustices, le président c'est l'État, donc il faut tout faire, et puis, etc. Ils sont donc, du coup, tous complices et ligués sur cette faute de Baril, sur ce montage de Baril. Il faut couvrir ce secret parce que autrement, ça nous accablera tous. Et donc, ils vont aller de plus en plus dans le mensonge et dans le complot personnel. Mais pourquoi vont-ils le faire? Je crois vraiment autour de cette idée que tout dépend d'un seul homme, la présidence. Et tout est bon pour sauver un seul homme. Est-ce que ce seul homme-là, donc François Mitterrand, est au courant de tout? Bien sûr, mais ça, on l'a vu dans l'affaire des écoutes. Elle lui arrivait sur son bureau. Tout ça a été lu, relu. Vous savez, il y a eu une anecdote récemment, ça me faisait rire. Il y a un Suédois, là, qui serait son fils de journaliste, une consoeur suédoise. Oui, la journaliste suédoise. Qui aurait eu un enfant avec lui. Et je me souviens que la journaliste suédoise, quand elle a fait son petit livre sur Mitterrand, etc., et cette relation, cette passion amoureuse, a dit que Mitterrand lui avait confié un jour que j'étais un scélérat. Et j'ai été regardé dans le littré, c'est-à-dire le vieux français, pourrait-on dire, et scélérat, c'est coupable ou capable d'un grand crime. Et oui, c'est vrai, j'ai commis, avec cette première affaire, un crime de lèse-majesté. Le crime de révélation. Contre notre monarchie républicaine. Parce que c'est la clé. Tous ces gens ne sont pas stupides, tous ces gens ne sont pas des délinquants ou des voyous. Mais ils en deviennent bêtes, ils en deviennent aveugles par lien à la présidence de la République. Et j'y insiste parce que c'est actuel. Quand vous avez un débat aujourd'hui en France sur le fait qu'un président de la République peut ne pas tenir ses promesses électoral, changer de ligne politique et considérer qu'il n'a pas besoin de vote et qu'il n'a pas besoin de demander l'avis de sa majorité. C'est la même chose. C'est-à-dire, suivez-moi ou c'est le chaos. Il n'y a pas d'alternative. C'est les institutions qui font ce costume que mettent tous les présidents. Et que François Mitterrand avait très bien décrit dans le coup d'État permanent. J'ai toujours dit que moi, j'ai défendu François Mitterrand contre lui-même. J'ai défendu le François Mitterrand d'opposition contre le François Mitterrand devenu monarque. Et au fond, j'ai mis en évidence que François Mitterrand lui-même a été présomptueux. Il a été vaincu par ces institutions. Et je voudrais y insister sur un autre aspect. Et après, on va écouter un petit document. Oui, je voudrais juste dire, parce que j'ai parlé, ça nous concerne, nous les journalistes, j'ai parlé du journaliste de gouvernement. C'est pas seulement la première histoire où le nouvel observateur, au lieu de faire son travail, se fait indicateur de police. C'est que quand même, dans cette histoire, nous avons fait avancer la vérité contre une partie de nos confrères. Comme ce que Mediapart a vécu pendant l'affaire Cahuzac ou d'autres. Ce journaliste de gouvernement qui, encore une fois, il suffit qu'un ministre dise « Ben non, je jure les yeux dans les yeux », on le croit et on mène pas l'enquête. Il suffit que l'Élysée dise « Ce sont des grands criminels liés au terrorisme », on les croit et pas l'enquête. Et derrière ça, ce journaliste de gouvernement, il est lié à ce crétinisme présidentiel qui rend stupide. C'est-à-dire, il y avait un crétinisme parlementaire. Ah, le crétinisme à l'adhésion présidentielle. Oui, voilà, qui rend stupide. Voilà. C'est-à-dire d'accord. Que comment, par conviction, que tout dépend d'un seul homme, que tout se passe. Et voilà. On l'accepte pas. Bon, alors vous avez encore passé pour le chevalier blanc de la profession, on va vous le reprocher. Non, je ne suis pas chevalier blanc, je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Nous sommes au service de qui ? Pas au service des gens qui gouvernent, pas au service des gens qui nous emploient. Nous sommes au service du droit de savoir des citoyens. Et quitte à parfois bousculer nos propres convictions. Moi, quand j'ai commencé ça, je suis un citoyen de gauche. J'ai été la porteur de mauvaises nouvelles sur la première présidence de gauche. J'ai loupé aucune des affaires des 14 ans de François Mitterrand. Et j'avais des gens qui disaient « mais tu nous fais du mal ». Et je disais « mais oui, mais on peut pas tenir un discours quand on est dans l'opposition et faire autre chose quand on est au pouvoir ». C'est notre rôle à nous, journalistes, même si c'est douloureux de faire ça. Alors, justement, vous disiez homme de gauche, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait posé la question à Laurent Fabius, avant même qu'il soit Premier ministre, je crois, et je pense qu'il était tout à fait sincère quand il avait répondu à la question, on lui avait dit « mais c'est quoi finalement la différence entre la gauche et la droite ?» Et il avait dit « pour moi, la gauche, c'est la morale ». Bon, donc on s'est aperçu très très vite. Non, ça, c'est évidemment faux. C'est faux. La morale, elle est... précisément, cette affaire-là montre que la morale est soluble dans le pouvoir. Hein, parce que c'est s'il y a une gauche, comment vous l'avez ressenti, vous, homme de gauche, comment vous l'avez ressenti moi, je pense sur le terrain que de la morale. La leçon de tout ce que j'ai appris, c'est que la gauche n'est pas propriétaire de la morale, elle n'est pas propriétaire de la justice. Tout ça se vérifie en marchant. C'est ce qu'on fait qui le montre. C'est la gauche qui a autorisé la torture pendant la guerre d'Algérie. Et c'est François Mitterrand, garde des Sceaux, qui a laissé le plus grand nombre d'exécutions capitales. Le même qui, plus tard, fera l'abolition de la peine de mort avec Robert Badinter. Donc, qu'est-ce que je dis ? S'il y a une gauche et une droite, c'est pas parce qu'il y aurait une qui serait supérieure à l'autre. Je dis juste, c'est parce qu'il y a des intérêts sociaux différents. C'est des intérêts sociaux. Mais bon. Je réinsiste sur cette idée quand même il faut suivre notre route. Nous sommes, encore une fois, vous m'invitez 30 ans après pour cette histoire. Il a fallu... Je l'ai payé, cette histoire. Je l'ai payé des écoutes téléphoniques, mais je ne l'ai pas payé seulement de ça à l'époque. Je l'ai payé de campagne dans la presse. Vous savez qu'ils ont utilisé les gens qui se défendaient, là, qui étaient à la cellule de l'Élysée. Ils ont utilisé une presse qui était d'extrême droite pour prétendre que nous étions... une cellule rouge de journalistes qui voulaient déstabiliser le pouvoir politique. À l'époque, c'était pour eux, on était plutôt le KGB. Je vous rappelle qu'après, ils ont dit que j'étais à la CIA. Je veux dire par là que c'est une bataille. C'est pour ça qu'il faut être dans une presse indépendante ou dans un service public indépendant. Parce qu'on a en face des gens qui sont prêts à calomnier, à discréditer l'apporteur de mauvaises nouvelles, qui ne fait que dire la vérité. On veut tuer le messager, quoi, en gros. Oui, bien sûr, celui qui dit que le roi est nu. On va écouter ensemble un document, l'avocat de Paul Baril à l'époque, Francis Piner, qui donne un peu les responsabilités, selon lui, les responsabilités de chacun dans cette affaire des Irlandais de Vincennes. Paul Baril est victime à la fois de la guerre des polices, des gens qui ont envie de s'attaquer à l'Élysée, d'une fraction de l'ultra-gauche qui a décidé de s'attaquer à un officier d'élite. C'est-à-dire les raisons sont multiples. Et à partir de là, étant donné qu'il a travaillé souvent sans filet, puisque finalement, ce qu'on demande à un homme comme Paul Baril, c'est d'avoir des résultats. Le jour où ça dérape, on s'empresse de dire qu'il est un homme seul. Bon voilà, je pense que ça vous inspire comme commentaire. Témoignage de l'époque. Maître Spinner a accompagné, il est du côté souvent de la raison d'État. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand a lieu le procès des écoutes téléphoniques, qui était le procès de la cellule de l'Élysée, il n'était plus l'avocat de M. Baril, mais l'avocat de M. Proutot. À l'époque de leur guerre, justement, puisque vous savez que tout ça est lié à des règlements de compte entre eux. Si vous voulez, les avocats font leur travail. Moi, j'ai toujours dit que tout justiciable, et quels que soient les crimes qu'il a commis, a le droit aux meilleurs avocats possibles. Et quand on est avocat, on a le droit de diffamer, hein. On a le droit de dire des choses. J'ai vu au procès de la cellule de l'Élysée, je les ai vus faire mon procès et essayer de faire la démonstration que j'étais, excusez du peu, un agent de la CIA. L'audience était vide, les journalistes étaient partis, ça se passait à 7h, 8h du soir, c'était en pleine crise du monde, personne n'a suivi tout cela, mais j'ai dû me défendre d'être un agent de la CIA, pour dire combien quand vous avez l'État, je dis souvent, l'État, vous avez dit gauche-droite, mais il y a derrière ça, et c'est un vrai problème d'aujourd'hui dans notre monde un peu compliqué, inquiet, angoissé, il y a aussi un cerveau reptilien de l'État profond. Il y a ceux qui disent, bon, les politiques passent, mais c'est nous qui gardons tout ça et qui saurons faire. Et qui savent parfois bien balader les politiques. Qui sont ces gens-là ? Ce sont des gens n'ont pas affronté les électeurs, qui sont du côté souvent de la part d'ombre de l'État, du savoir, des cabinets. Les services. Le monde aussi, en effet, d'une certaine énarchie qui pense que son diplôme lui donne un pouvoir sur la société. Vous savez, nous sommes, de ce point de vue, la démocratie la plus en retard. Je pense sur ces question-là. Vous savez que cette affaire, dans toute démocratie normale, aurait donné lieu à une commission d'enquête parlementaire, avec des hearings, des auditions publiques. Ben non, chez nous, il n'y a pas. Il n'y a pas eu sur Greenpeace, il n'y a pas eu là-dessus. Tapez Freedom of Information Act aux États-Unis. Vous avez FOIA, CIA, FOIA, NSC, même si ça ne les empêche pas de mentir qu'ont fait les révélations de Snowden. Mais ça crée une culture de la transparence et du droit de savoir qui permet qu'il y ait des Snowden, qui permet qu'il y ait des gens qui révèlent. Chez nous, rien de tout ça. Toute audition sur les questions militaires et de défense ou de service se fait à huis clos. Est-ce que c'est lié encore à l'existence chez nous par les institutions d'un pouvoir qui a les atours de la monarchie, même s'il est démocratique. Bien sûr, mais d'une monarchie née d'une guerre civile. N'oubliez jamais que nos institutions sont nées entre 58 et 62, dans le pire moment de l'histoire contemporaine de la France, où la France n'est pas au rendez-vous de la promesse de sa propre libération, en ayant un aveuglement colonial qui l'emmènera à porter atteinte aux droits fondamentaux d'autres peuples. Évidemment, la torture, évidemment, des crimes de guerre, et évidemment, le refus de leur souveraineté. Et c'est dans ce contexte qu'on fait des institutions dangereuse, qui donne un pouvoir au président terrible. La pédagogie qui se passe actuellement, où à la fois on nous dit, mais laissez le président, il est élu pour 5 ans, quoi qu'il se passe, quoi qu'il décide, quoi qu'il fasse, il a le droit, c'est le président. Et de l'autre côté, on dit, ah, attention, il y a le feu, il y a l'extrême droite. Mais comment est-ce possible de dire les deux ? S'il y a le feu, c'est parce qu'il y a cette pédagogie antidémocratique. Donc il faudrait, selon vous, un régime parlementaire. Il y a une très bonne interview sur Mediapart de Dominique Rousseau, un professeur de droit constitutionnel de la Sorbonne, qui sort des débats 6e, 5e République, c'est pas une question de numéro, qui dit qu'il faut refonder la démocratie française. Nous sommes une démocratie de basse intensité. D'un régime parlementaire. Mais d'un régime de délibération. Délibération. La démocratie, c'est pas un seul qui décide à sa place, qui délibère. Dans cette histoire de l'affaire des Irlandais, moi je les ai vus tous défiler après. Monsieur Mauroy, qui était Premier ministre, Monsieur Fabius, qui a été Premier ministre, Monsieur Jox, qui a été ministre de l'Intérieur. Ils sont venus au procès. Ils ont dit leur embarras. Ils ont dit qu'une fois, deux fois, ils ont dit au président, quand même, ça va pas votre histoire. Puis après, ils ont arrêté. Pourquoi ? Ah, c'était le président. C'était le président. Intouchable. C'est pas possible. Les intouchables. C'est sincèrement une préhistoire démocratique. Encore une fois, moi, ça va faire 40 ans que je fais ce rôle de journaliste, apporteur de mauvaises nouvelles, et aujourd'hui avec tous les jeunes qui composent Mediapart. Le problème, c'est que, ok, nous faisons notre travail, mais en même temps, nous sommes inquiets comme citoyens de ce que révèle notre travail. C'est-à-dire cet aveuglement français. Les affaires de Monsieur Sarkozy, c'est tout pareil. La Libye, vous en avez discuté. Vous en avez débattu. Il y a eu une commission d'enquête sur cette histoire de sa visite de 2007 à cette guerre qui a donné une déstabilisation que l'on paye aujourd'hui avec une guerre au Mali, etc. Dans tout autre pays, dans tout autre pays, il y aurait eu délibération, enquête indépendante. Et là, il n'y a que nous, c'est-à-dire les journalistes qui prennent le risque de leur métier, de leur indépendance, pour mettre sous les yeux de tout le monde ce que on devrait savoir, non pas 30 ans après. Tout de suite. Il nous reste 45 secondes juste pour vous demander comment va Mediapart. Donc, apparemment, ça va bien. Hein, comment dire, le succès de Mediapart me réjouit professionnellement. C'est un journal indépendant, participatif, numérique. On prétend, nous, que c'est le laboratoire de la presse du 21e siècle. Mais si ce succès n'est fait que des malheurs de la France, le citoyen que je suis n'est pas rassuré. Donc, je suis d'entre cette espérance professionnelle, ce défi que nous avons relevé pour donner du courage à tout le monde, pas pour donner des leçons, hein, pour montrer que l'indépendance, c'est rentable, ça paye, mais dans cette inquiétude démocratique dont nous avons parlé. Merci en tout cas, et Edwin Pinel, d'avoir participé à cette émission. Merci encore. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, les Irlandais de Vincennes. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Demain, nous reviendrons sur l'affaire Markovitch.